Mon père, dit Victorin. Vous interrompez votre père, reprit d'une voix foudroyante le baron en regardant son fils. Mon père, écoutez, dit Victorin d'une voix nette et ferme, la voix d'un député puritain. Je connais trop le respect que je vous dois pour en manquer jamais, et vous aurez certainement toujours en moi le fils le plus soumis et le plus obéissant. Tous ceux qui assistent aux séances des chambres reconnaîtront les habitudes de la lutte parlementaire dans ces phrases filandreuses avec lesquelles on calme les irritations en gagnant du temps. « Nous sommes loin d'être vos ennemis, » dit Victorin. « Je me suis brouillé avec mon beau-père, M. Crevel, pour avoir retiré les 60 000 francs de lettres de change de Vauvinet, et certes, cet argent est dans les mains de Madame Marneff. »« Oh, je ne vous blâme point, mon père, » ajouta-t-il à un geste du baron. « Mais je veux seulement joindre ma voix à celle de la cousine Lisbeth, et vous faire observer que si mon dévouement pour vous est aveugle, mon père, et sans bornes, mon bon père, malheureusement, nos ressources pécuniaires sont bornées. De l'argent, dit en tombant sur une chaise le passionné vieillard, écrasé par ce raisonnement. Et c'est mon fils, on vous le rendra, monsieur, votre argent, dit-il en se levant. Il marcha vers la porte. Hector ! Ce cri fit retourner le baron, et il montra soudain un visage inondé de larmes à sa femme, qui l'entoura de ses bras avec la force du désespoir. « Ne t'en va pas ainsi, ne nous quitte pas en colère. Je ne t'ai rien dit, moi !» À ce cri sublime, les enfants se jetèrent aux genoux de leur père. « Nous vous aimons tous !» dit Hortense. Lisbeth, immobile comme une statue, observait ce groupe avec un sourire superbe sur les lèvres.